moche. Tes mains n'ont jamais traîné dans tes poches, mais plutôt sur les bites de tes proches. Des gros porcs qui aiment les truies un peu plus que les poches. Prenez-vous madame pour un simple billet de 5 euros. Prenez-vous madame pour un simple billet de 5 euros. Prenez-vous madame pour un simple billet de 5 euros. Prenez-vous madame pour un simple billet de 5 euros. Et meuf, on sait pourquoi tu vas au Cinoche. Pour que tes mains puissent avoir une accroche. Pour ensuite sucer la bite de tes potes. À la sortie, on verra une trace pas très propre. Et meuf, on sait tous que tu aimes les chichas. Une photo par-ci et une photo par-là. Tu chauffes devant tout le monde, pas le temps de te checker. Dommage que les traces de la vraie vie ne s'effacent pas. Et meuf, on sait tous que tu baves devant ça. Un mec un peu musclé avec des gros doigts. Tes seins t'as de chouèche, tout est mouillé chez toi. Et d'ailleurs tu rentres jamais seul chez toi. Prenez-vous, madame, pour un simple billet de 5 euros. Pour un simple billet de 5 euros. De 5 euros, de 5 euros. Prenez-vous, madame, pour un simple billet de 5 euros. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle a répondu. Ah oui? Prenez-vous, madame, pour un simple billet de 5 euros. Prenez-vous, madame, pour un simple billet de 5 euros. Dire qu'après tu seras celle qui changera les couches de ton bébé, non, éviter qu'elle accouche.